Malgré ce dépotoir planétaire, c'est la vie qui reste à la fin. Oui, je pense bien que oui. Ben oui, ça fait partie des lois de la vie. La planète elle-même, en tant qu'entité qui est très vivante, pas au point de tomber dans des affaires de bon. Gaïa, la Terre mère, là, c'est pas de ça que je parle, là, mais on va prendre ça comme un gros fruit, là, une grosse orange. Ça fait partie des lois de la vie que s'y manifeste la vie. Puis la planète n'est pas en train de mourir. Contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, au contraire, plus elle est active, plus c'est comme quand il y a des tremblements de terre. Puis moi, je trouve qu'on voit qu'il y a une activité particulièrement vivace. Il y a des choses intéressantes. Puis là, il y a des mues qui vont peut-être s'opérer. Ça fait que peut-être que le monde en Californie, ils vont se ramasser le menton ici, puis le nombril là-bas. Puis la folle de San Andreas, puis ces choses-là, c'est difficile de prévoir ce qui va arriver, mais à notre niveau, à nous, au niveau d'un individu, ces choses-là, c'est des programmations qui englobent d'autres. Donc, les cycles de vie d'une planète, mais la planète étant vivante, elle a un microbiote à sa surface, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est normal qu'il y ait de la vie qui se manifeste dessus, notamment de la vie humaine. Puis, un esprit humain, c'est plus intelligent qu'un esprit d'une planète, là. C'est pas parce que c'est gros, gros, gros que c'est plus intelligent que nous. Dans le sens, je parle au niveau d'une individualisation de l'intelligence. C'est comme prenez un éléphant. C'est très intelligent, c'est très sensible à un éléphant, mais ça peut pas faire des. Même si on lui donnait la capacité, il serait peut-être pas capable d'aller chercher un doctorat. C'est pas parce que c'est gros que c'est plus intelligent. Mais. Il reste que, bon, c'est des lois. Je vois ça comme c'est des lois de conséquence. Donc, c'est la vie qui reste à la fin, oui. C'est difficile, l'être humain, à exterminer ça. C'est comme des. Puis, il y a des lois qui font que plus ils vont s'acharner sur des populations, plus ils vont créer des êtres résistants, créatifs, ça va engendrer de la créativité. Donc, c'est difficile d'éliminer des coquerelles parce que ça se renforce. Et puis, mais en plus, si la coquerelle développe une créativité, puis un savoir technique, tactique, là, ça devient encore pire. Mais on est dans une planète expérimentale dans le sens que c'est sa fonction. C'est-à-dire qu'ici, l'intégration se fait par l'expérience dans la matière.